L'actualité à Nancy et ailleurs. Il n'y a pas de planète B, il y a un plan B. Samuel et Pauline, bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous deux membres du plan B. Première question, tout simplement, pour entrer dans le vif du sujet, c'est quoi le plan B ? Le plan B, donc c'est une dynamique qui se met en place à Nancy en réponse à un certain nombre de besoins, tous liés à la lutte contre le changement climatique. Donc pouvoir passer, comme dit notre slogan, de l'alternative à la norme. Donc c'est toute une série d'actions et de propositions pour mettre en réseau des associations, des personnes, des entreprises qui se sentent concernées par la lutte contre le changement climatique. Quand est-ce qu'est né ce projet du plan B ? La genèse du plan B, ça remonte à 2015 avec le village Alternatiba. Où à Nancy, pendant un week-end, plusieurs milliers de personnes et d'associations se rencontrent pour discuter de lutte contre le changement climatique. Et suite à ça, on a voulu continuer un petit peu sur cette dynamique très positive qui avait été mise en œuvre. Et on a travaillé collectivement avec un peu plus d'une vingtaine de structures, entreprises et associations, qui toutes s'engagent donc sur cette question environnementale, mais également sur des questions sociales, à travailler ensemble à une dynamique qui nous permette un petit peu le changement d'échelle de toutes ces initiatives. Le constat, à l'origine, c'est quoi ? Le constat, notamment en lien avec Alternatiba, c'était de se dire qu'on passait beaucoup de temps sur la logistique et sur la forme de nos actions et non pas sur le fond. Donc on passait beaucoup de temps à trouver le matériel dont on avait besoin, les compétences dont on avait besoin pour mettre en place nos différentes actions, et ce qui nous faisait perdre du temps sur l'objectif final de l'action, en particulier cette lutte contre le changement climatique, les développements de liens sociaux, de liens environnementaux. Et c'est vrai que c'était vraiment mis en exergue lors de l'organisation du village, parce qu'on s'est rendu compte que toute la partie logistique était quand même très, très présente, et un manque aussi cruel de professionnalisation. Donc on se rendant compte qu'on avait plein de bonnes idées, mais pas forcément les moyens pour les mettre en œuvre. Alors en 2018, comment ça se concrétise aujourd'hui, le plan B ? Alors le plan B, c'est une stratégie en trois axes. La première, c'est pour répondre, comme on a parlé, Pauline, à la question des moyens, on s'est dit pourquoi pas mutualiser ? Toutes ces structures ont des mêmes besoins en salles, en matériel, en compétences. Oui. Plutôt que chacun investisse et puis dépense de l'argent, du temps pour trouver l'endroit où faire ses réunions, le matériel pour faire ses animations, etc., etc., investissons collectivement et mutualisons ça. Alors aujourd'hui, c'est une adresse qui existe concrètement, c'est à Jarville, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est le 51 rue de la République à Jarville, un local pour l'instant de 150 mètres carrés qui va être partagé entre une vingtaine de structures, et on l'espère de plus en plus au fur et à mesure du temps. Deuxième dimension, pour répondre à ce que disait Pauline, effectivement, souvent les gens nous disaient « ce que vous proposez comme modèle de société, c'est assez désirable, mais ça manque beaucoup de crédibilité ». Et donc on y répond par une bonne dose de professionnalisation, en se formant, en apprenant à mieux communiquer dessus, en travaillant un petit peu sur les moyens de rendre plus pro et plus crédible aux yeux du grand public tout ce qu'on essaye de construire comme alternative. Et une troisième dimension qui est hyper importante, c'est la question de la communauté. On revient à Alternatiba. À l'époque, on s'était aussi rendu compte de quelque chose d'assez positif, c'est que quand on met plein de gens autour de la table sur un projet commun, et du coup, il y a plein de choses qui naissent. À Alternatiba est né le Florin, la monnaie locale de Nancy et ses environs. À Alternatiba est né la Cantoche, une cantine associative qui a été inaugurée la semaine dernière, etc., etc. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on continue à faire ça en permanence. Et donc, le plan B a aussi pour ambition de créer une communauté large de gens qui s'engagent, qui partagent, qui se filent les bonnes infos et qui coopèrent sur toute la question de la lutte contre le changement climatique et de la réduction des inégalités. Donc une adresse aujourd'hui, donc le 51 rue de la République à Jarville, donc une salle de réunion, du matériel qui est mis à disposition de tous ses membres. C'est le début, on va dire, là c'est vraiment le début de la dynamique, ouais. Effectivement un premier local qui est en travaux, donc qui permettra l'accueil de bureaux partagés, salle de réunion, mais aussi espace de stockage donc pour les associations. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on est présent sur un stand sur un week-end, il faut à chaque fois qu'on se pose la question de où est la banderole, où sont les flyers, où sont les différents documents passer chez tel bénévole ou tel bénévole qu'il avait utilisé la semaine d'avant, etc. Là, ça va être des espaces de stockage qui permettront aux associations de ne pas se poser la question d'où est le matériel, puisqu'il sera centralisé à cet endroit-là. Donc réunion, stockage, bureau, et puis espaces conviviaux aussi, qui permettent les liens entre les personnes qui entreront dans ce local-là. Et l'ambition, c'est vraiment de créer un réseau de lieux, en se disant c'est un premier lieu parce qu'il faut bien démarrer quelque part, mais avec l'ambition de pouvoir avoir un réseau de lieux sur des, peut-être des lieux qui existent déjà et qui un jour intégreront la démarche, ou des nouveaux lieux à créer en fonction des besoins qu'on identifiera au fur et à mesure. Vous avez parlé de professionnalisation, de formation aussi, ce serait géré par le plan B. Comment on se forme, comment on se professionnalise? En fait, toute l'idée, c'est d'essayer à la fois de maximiser ce qui existe déjà. Donc, par exemple, Pauline parlait des lieux. Oui. La Cantoche, c'est un lieu de convivialité qui existe et qui sera déjà dans le réseau du plan B. Et bien, de la même façon, si telle ou telle structure, à tout hasard, par exemple, le Mouvement pour une alternative non violente, organise une formation, ce qu'ils font régulièrement, de la faire connaître à toutes les structures pour que chacun puisse en profiter. Et donc on va valoriser ce qui est déjà l'existant de manière à mieux coopérer ensemble, et ensuite identifier les besoins qui existent pour organiser des formations dédiées en fonction de ce qui est exprimé par les membres du plan B. Par exemple, là, quand on commence à rencontrer, on se rend compte qu'il y a un gros besoin d'apprendre à mieux utiliser les réseaux sociaux et à mieux communiquer dessus. Donc on pense que ce sera une des premières formations qui sera organisée au premier semestre 2019. Quelles autres actions prévoyez-vous de faire avec, avec le plan B et tous les membres ? Alors, il y a plusieurs choses, mais l'idée, c'est toujours que le plan B vienne en support, c'est-à-dire le plan B ne sera jamais là pour se substituer à des initiatives qui existent déjà, mais toujours pour les aider à grandir, à se structurer, à s'organiser et à mieux se faire connaître. Mais parmi tout ça, une des dimensions qui nous paraît aussi importante, c'est d'être capable d'accompagner dès le départ les porteurs de projets. Quelqu'un se lève un matin et se dit, tiens, j'ai vraiment envie de m'engager et j'ai envie, par exemple, de créer, je sais pas, un circuit de valorisation des consignations de bouteilles pour éviter que tous les artisans du coin soient obligés d'acheter du verre perdu et de le balancer ensuite pour remettre leur bière ou leur jus de pomme dedans. Eh bien, cette personne, si elle se lève, elle ne sait pas forcément après comment faire. Nous, l'idée, c'est qu'on puisse l'accueillir, l'orienter vers des financeurs, lui présenter des personnes qui puissent être des conseils, des relais, des orientations pour cette personne, de manière à ce que le projet puisse grandir et bénéficier dès le départ de l'appui du plan B, de la communauté et des gens qui veulent s'investir dans ce type de projet. Donc, qu'on soit une association, même un citoyen, quelqu'un tout simplement qui a envie de progresser, de proposer quelque chose, on peut venir vous contacter. Comment on fait, justement ? Alors, www.planbnancy.fr pour le site internet où il y a un formulaire de contact. On peut nous contacter sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Plan B Nancy. Sinon, n'hésitez surtout pas à passer nous voir au local. Pour l'instant, il n'y a pas tout le temps du monde, mais on est régulièrement là-bas en train de bricoler et de nous voir. Un mot sur votre actualité aussi, parce que le Plan B, c'est tout récent, ça a besoin de grandir et je crois qu'il y a un financement participatif qui a été lancé récemment et qui va jusqu'au 12 décembre. Financement participatif sur la plateforme de la NEF, donc qui s'appelle zest.coop, C-O-O-P. Le principe, c'est de proposer aux gens de contribuer financièrement à partir de 5 euros et jusqu'à ce qu'ils peuvent en fonction de leurs moyens, pour qu'on puisse terminer les travaux dans ce premier local et commencer aussi l'équipement du matériel qui sera mis à disposition des différentes structures du réseau. Et à travers ce financement participatif, on est aussi sur la création du premier réseau aussi du plan B. L'ambition, c'est aussi de montrer qu'on est nombreux à croire dans ce projet-là, donc ne pas hésiter à contribuer et à diffuser aussi cette information donc du financement participatif qui a démarré donc il y a une dizaine de jours. On en est à un peu plus de 100 contributeurs là pour l'instant, et donc qui se termine effectivement le 12 décembre. Le plan B, il y a d'autres équivalences dans d'autres villes, dans d'autres régions? Tel qu'on essaie de le faire, non, il y a plein d'initiatives un petit peu similaires, mais allier à la fois cette dimension mutualisation, professionnalisation, communauté, à notre connaissance, on est les premiers. Ou alors peut-être que d'autres sont en train d'inventer des choses similaires en même temps. C'est aussi une ambition qu'on a d'ailleurs au plan B, de se dire, on expérimente avec donc des structures aussi différentes que les Amis de la Terre, Greenpeace d'un côté, et puis de l'autre côté, la Cantoche, la Monnaie Locale, les Fermiers d'ici, enfin vraiment des structures très très différentes qui apprennent à coopérer ensemble de cette façon. On se dit que si ça fonctionne, l'idée c'est aussi que ça puisse être reproductible sur d'autres territoires un peu partout en France. Pour passer de l'alternative à la norme. Tout à fait. Alors on termine avec un rendez-vous qui va avoir lieu donc le 4 décembre pour découvrir la NEF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Eh bien, quand on parle d'alternatives, on essaye d'en trouver dans tous les domaines. Et un des domaines sur lesquels il y a beaucoup de travail à faire, c'est la question de la banque. La plupart de nos banques mènent des politiques souvent très polluantes. On parle souvent de politique climaticide. Il y a un rapport très intéressant là-dessus qui a été sorti par les Amis de la Terre assez récemment. Et donc, quand on critique et qu'on essaie de faire s'améliorer, c'est bien aussi de pouvoir proposer des alternatives et d'autres solutions. En l'occurrence, en France, existe la NEF, qui est une banque coopérative portée par les citoyennes et les citoyens qui s'investissent dedans et qui grandit petit à petit et qui donc viendra être présentée au plan B ce 4 décembre prochain à 19h30. Voilà, au 51 rue de la République à Jarville. Il y aura d'autres rendez-vous qui vous attendent sur les mois à venir ? Ouais, l'idée c'est de pouvoir très régulièrement comme ça valoriser un peu toutes les initiatives qui existent, aussi bien locales que nationales. Donc on pense déjà à venir faire parler d'autopartage, de production d'énergie citoyenne et partagée, etc. etc. Donc tout au long de l'année et puis des suivantes, on l'espère bien, on fera grandir toutes ces alternatives et on offrira donc des portes d'entrée pour les gens qui veulent s'y intéresser et les découvrir. www.planbnancy.fr. Je vous laisse un dernier mot pour donner envie aux gens de venir vous rencontrer, d'avoir des idées, de ne pas hésiter à venir vous rencontrer. On parlait de professionnalisation, ça peut peut-être faire un petit peu peur, mais au départ, c'est bien, la porte est ouverte à tous et toutes pour n'importe quelle idée, n'importe quelle proposition qui pourrait émerger sur ces questions de la lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup Samuel et Pauline. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.